إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، on continue donc aujourd'hui la lecture de cette épître immense du noble imam, le Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, intitulé « Les six fondements ». On a vu dans les deux précédentes assises les deux premiers fondements, le premier qui est la sincérité ou le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et le deuxième qui est l'union dans la religion et l'interdiction de se diviser dans celle-ci. L'auteur rahimahullah ta'ala, il a ensuite dit « Le troisième fondement » et que l'on compte parmi la perfection de l'union, l'écoute et l'obéissance à celui qui nous gouverne, même si c'est un esclave abyssin. Allah a expliqué cela de façon suffisante, sous divers aspects, religieux et empiriques, c'est-à-dire d'après les faits qui se produisent. Par la suite, ce fondement devint inconnu pour la plupart de ceux qui prétendent à la science, alors comment pourraient-ils le mettre en pratique? L'auteur, rahimahullah, il a mentionné comme troisième fondement que l'écoute et l'obéissance aux détenteurs de l'autorité font partie de la perfection de l'union complète. Et ceci nous indique quoi? Ceci nous indique l'importance du fondement précédent, qui est, comme on l'a dit, l'union en religion et l'interdiction de se diviser dans celle-ci. Car en vue de son importance, l'auteur, rahimahullah, il a cité un autre fondement, lié à celui-ci et qui permet d'atteindre la perfection dans l'union, c'est-à-dire atteindre une union complète, et ce en se soumettant à ce qu'ordonnent les détenteurs de l'autorité et en délaissant ce qu'ils interdisent, même si celui qui nous gouverne est un esclave abyssin. Le musulman, il doit donc écouter obéissance aux détenteurs de l'autorité parmi les musulmans. Mais cette écoute et cette obéissance, elles sont restreintes à quoi? Elles sont restreintes à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'obéissance à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, si les détenteurs de l'autorité ordonnent une désobéissance ou un péché, alors dans ce cas-là, le musulman, il ne leur obéit pas, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'obéissance n'est que dans le convenable. » L'obéissance n'est que dans le convenable. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. » Le musulman, il doit donc observer ce que le détenteur de l'autorité ordonne. Si c'est une obéissance, alors il doit être obéi. Si c'est une chose permise, il doit aussi être obéi. Mais si c'est une désobéissance ou un péché, alors dans ce cas, il ne lui obéit pas, comme le prouvent les deux hadiths que l'on vient de lire. Cependant, son obéissance, elle reste obligatoire quant aux autres ordres. Mais c'est seulement sur l'ordre à la désobéissance qu'on ne lui obéit pas. C'est seulement sur l'ordre à la désobéissance qu'on ne lui obéit pas. L'auteur, rahimahullah ta'ala, il a ensuite dit « Allah a expliqué cela de façon suffisante sous divers aspects. » Premièrement, Allah, subhanahu wa ta'ala, a expliqué cela sous un aspect religieux dans son livre, ainsi que dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi l'explication de ce fondement dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a sa parole bien connue dans Surat An-Nisa, au verset 59, lorsqu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et qui sont les détenteurs du commandement? Ils représentent deux catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les savants. Ce sont eux qui exposent aux gens la législation et les invitent à celle-ci et leur enseignent. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les gouverneurs, et ce sont eux qui exécutent la législation et imposent aux gens sa mise en pratique. Et le verset, il englobe donc les deux catégories de détenteurs du commandement, que ce soit les savants ou les gouverneurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi ordonné aux musulmans de rester unis et de ne pas se disputer lorsqu'il a dit, dans Surat Al-Anfal, au verset 46, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Et il a dit dans Sourate Ali Imran, au verset 103, Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi exposé ce fondement dans sa sunna, et il est confirmé dans les deux recueils authentiques, dans le hadith de Ubadah radiyallahu ta'ala anhu qu'il a dit: nous avons prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur l'écoute et l'obéissance, sur ce que l'on aime et ce que l'on abhorre, dans la difficulté et dans l'aisance, même à notre détriment, et de ne pas disputer le pouvoir à celui qui le détient, sauf si l'on voit de lui une mécréance évidente au sujet de laquelle nous avons une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque voit chez son gouverneur une chose qu'il réprouve alors qu'il patiente, en effet, celui qui se sépare du groupe, d'un empan, meurt d'une mort de la période pré-islamique. Il meurt d'une mort de la période pré-islamique. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: quiconque retire une main de l'obéissance rencontrera Allah au jour de la résurrection sans aucun argument. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: écoutez et obéissez, même si celui qui vous dirige est un esclave abyssin. Et il a dit également sallallahu alayhi wa sallam: l'homme musulman doit écouter obéissance sur ce qu'il aime et sur ce qu'il abhorre, sauf si on lui ordonne une désobéissance. Alors, et si on lui ordonne une désobéissance, alors il n'y a ni écoute ni obéissance. Et si on lui ordonne une désobéissance, il n'y a alors ni écoute ni obéissance. Tous ces hadiths, ce sont des preuves claires et indiscutables qu'il fait partie des fondements de l'islam et des fondements de la sunna que le musulman, il doit écouter obéissance au gouverneur musulman. Et la réalité des faits, elle expose et elle confirme l'importance de ce fondement. Méditez, mes frères, sur la situation de la communauté islamique lorsque les musulmans étaient accrochés à la religion, lorsqu'ils étaient unis sur la religion et qu'ils respectaient leur gouverneur et obéissaient à leur gouverneur dans le bien, ils avaient alors la suprématie et le dessus sur terre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat An-Nur au verset 55: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans les versets 40 et 41 de Surat al-Hajj: وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Ceci est donc la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs qui se parent des caractéristiques mentionnées dans ces versets. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre. Ils ont la foi et ils accomplissent des bonnes œuvres, des œuvres vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il m'adore et ne m'associe rien. Et ceci est la base de la religion et le fondement sur lequel repose l'ensemble de la religion. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Ils accomplissent la prière Ils s'acquittent de l'aumône, ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. C'est donc en s'accrochant à leur religion et à l'ensemble de ses fondements qu'ils ont obtenu le soutien et le secours d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah leur a donné la suprématie sur terre malgré qu'ils étaient peu nombreux. Malgré qu'ils étaient peu nombreux. Puis lorsque la discorde et la divergence se sont répandues parmi les musulmans, qu'ils ont divisé la religion, qu'ils se sont révoltés contre leurs dirigeants et qu'ils sont sortis contre eux, transgressant ainsi l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont alors divisés en différents groupes et en différentes sectes. Alors à ce moment, qu'est-ce qu'il s'est produit pour la communauté musulmane? La crainte, elle fut retirée des cœurs de leurs ennemis. Et ils se sont disputés, ils ont alors fléchi et ils ont perdu leur force, comme on l'a vu dans le verset. Ensuite, les différentes communautés, elles se sont regroupées contre eux et les musulmans, ils sont devenus tels l'écume du torrent. Les musulmans, ils sont devenus tels l'écume du torrent, c'est-à-dire qu'ils sont devenus faibles. Ils ont perdu leur force et ils sont devenus faibles. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a d'ailleurs avertis de cela. D'après Thauban, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. Comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. Quelqu'un, il a alors dit: est-ce parce que nous serons peu nombreux ce jour-là, ô messager d'Allah? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a alors dit: ce jour-là, vous serez plutôt nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent, c'est-à-dire que vous serez faibles. Allah retirera des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous, et il mettra dans votre cœur al-wahn. Quelqu'un demanda: ô messager d'Allah, et qu'est-ce qu'al-wahn? Il répondit: l'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort. L'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort. Subhanallah, quand tu médites sur ce hadith, tu as l'impression que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il décrit la situation de la communauté actuellement. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous réformer et de nous faciliter la mise en pratique de sa religion de la façon dont il aime et qu'il agrée. Une fois les musulmans divisés et affaiblis, ce fondement, qui est l'écoute et l'obéissance au gouverneur, il est devenu comme inconnu pour la majorité des gens, et même pour ceux qui prétendent à la science, et ceux qui prétendent être jaloux pour la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont délaissé la mise en pratique de ce fondement, et chaque personne, dans la société, elle se prend pour un gouverneur, ou se considère comme au rang du gouverneur, et s'oppose ainsi au gouverneur. Lorsque tu parles avec les gens, chacun pense tout comprendre, tout savoir, et beaucoup de gens, ils ne font que dénigrer les gouverneurs. Ils ne font que propager les défauts et les erreurs du gouverneur. Et ça, c'est dans le cas où les erreurs et les défauts qu'ils propagent, ils sont vrais et réels. Car malheureusement, bien souvent, ce ne sont que des mensonges qu'ils propagent. Surtout à notre époque, avec les moyens de communication modernes, comme Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Et ce qui est obligatoire pour l'ensemble de la communauté, gouverneur et gouverné, c'est d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit en termes d'amour mutuel, d'union et d'entraide dans le bien et la piété afin d'être parmi les victorieux, insha'Allah ta'ala. Nous devons donc nous unir sur la vérité, comme on l'a vu dans le cours précédent, et nous entraider sur cette vérité. Et nous devons également être sincères dans l'ensemble de nos œuvres et faire des efforts dans un seul but qui est quoi? La réforme de la communauté. La réforme de la communauté. Mais ceci n'a lieu que par la réforme de nos propres personnes en premier lieu. Ceci n'a lieu, la réforme de la communauté, elle ne peut avoir lieu qu'en réformant tout d'abord nos propres personnes. Et ceci ne peut être possible, réformer la communauté, que si notre parole est unie sur la vérité et que nous délaissons les disputes et les contestations qui ne servent aucune cause et ne sont d'aucun profit pour la communauté. Au contraire, ces choses, elles nous détournent de notre objectif et elles divisent la communauté. Quel est l'intérêt pour la communauté de propager que tel ou tel gouverneur a commis tel péché? Quel est l'intérêt pour la communauté de savoir que le gouverneur de tel pays, qui est un pays dans lequel il ne vit même pas, a accompli tel péché ou a fait telle transgression, etc. Ceci n'a aucun intérêt pour la communauté. Que recherche cette personne qui fait cela? Que recherche cette personne qui propage ceci sur Internet, à travers les réseaux sociaux, ou qui parle aux gens et dénigre les gouverneurs de tel ou tel pays, voire même pire encore, les déclare mécréants? Ceci, en réalité, il ne recherche que la corruption et la division des musulmans. C'est pour cela qu'il faut prendre garde à ce genre d'individu. Lorsque la parole des musulmans est divisée, et que le peuple, il se révolte contre son gouverneur. Alors il n'y a pas de doute que les passions, elles prennent le dessus, la corruption, elle se propage, au point que ni le sang, ni les biens, ni l'honneur des musulmans n'est respecté. Et nous avons à notre époque un exemple concret de cela, avec ce qu'ils appellent, faussement et injustement, le printemps arabe. Et ces révolutions, elles ont été conduites et encouragées par les prêcheurs de l'égarement, comme les frères musulmans, sous leurs différentes facettes, transgressant ainsi ce fondement immense de l'islam et de la sunna, qui est l'écoute et l'obéissance au détenteur du commandement. Qui est l'écoute et l'obéissance au détenteur du commandement. Et comme l'a dit l'auteur, rahimahullah, par la suite, ce fondement devint inconnu pour la plupart de ceux qui prétendent à la science. Alors comment pourrait-il le mettre en pratique ? Alors comment pourrait-il le mettre en pratique ? On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer et de réformer l'état de la communauté, gouverneur et gouverné. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous, comme on lui demande subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'accomplissement de tout ce qu'il aime et agrée. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.